Et à l'instant même, le général de Gaulle, précédé par tous les journalistes, entouré de caméramans, va entrer sur le podium. Et saluant la foule de gestes qu'il a immortalisé, le général de Gaulle s'avance au devant du podium, follement acclamé par la foule. Le 24 août donc, au stade Félix Éboué, le général explique le principe de la communauté et son mode de fonctionnement.